He is not coming for an infant church. Il ne vient pas pour une église infantile. Mature church. Il veut une église mature. He says that church that has risen to the full stature of maturity. Cette église qui a grandi dans une pleine stature de maturité. In fact, he uses the word mature. En fait, il use le mot mature. You see that? Vous voyez ça? In Greek, telos. En grec, telos. Means grown to full height. Qui signifie qu'il a cru dans sa taille complète. Until you've reached it now, you know? Jusqu'à ce que vous l'ayez atteinte maintenant. So he's telling the church, step out. Alors il dit à l'église, sors. And evangelize, get out of the four corners of the walls. Sors des quatre coins des murs. Get out. Sors. As long as you are there. Aussi longtemps que tu es là. They will be lying to you. Ils veulent te mentir. Deception will be there. La tromperie sera là. As long as you are sitting in those pastors' conferences. Aussi longtemps que vous êtes assis à cette conférence de pasteurs. You are sitting there. Vous êtes assis là. They will always invite a guest speaker coming from America, from Britain, from Australia. Ils veulent toujours inviter des conférenciers de l'Amérique, de la Grande-Bretagne ou d'Australie. Who has brought us some money for lunch. Qui nous ont apporté quelques argent pour le repas. There is some lunch being cooked here because we have a guest speaker. Nous avons quelques repas ici qui est en train de cuire parce que nous avons conférencier invité. And when he comes, he will always give you the false prophecies. Et quand il vient, il va toujours vous donner de fausses prophéties. You will always be infant as a pastor. Vous serez toujours un enfant comme pasteur. Do you understand me? Vous me comprenez? But when you step out, mais quand vous sortez, you go to the marketplace. Vous allez sur la place du marché. Marketplace. La place du marché. Stand at the door. Vous venez, tenez debout à la porte. Begin to preach the coming of the kingdom of God. Vous commencez à prêcher la venue du royaume de Dieu. Begin to preach the return to holiness and righteousness. Vous commencez à prêcher la repentance de la, à la sainteté, la justice. Begin to preach the cross, the blood and the cross at Calvary. Commencez à prêcher la croix et le sang du calvaire. Begin to preach the salvation of our Lord Jesus. Commencez à prêcher le salut de notre Seigneur Jésus. You will mature. Vous allez grandir, être mature. Because you will be attacked. Parce que vous allez être attaqué. You will be attacked right away. Vous allez tout de suite être attaqué. Right away. Tout de suite. The city council will arrest you. Le conseil de la ville va vous arrêter. Show me your permit for preaching here. You are making noise to people here. Montrez-moi votre permis de prêcher et vous êtes en train de faire du bruit pour les gens ici. This person whose stall is next to you says you're becoming a nuisance while you're chasing away customers of other religions. Cette personne dont l'échoppe est près de vous dit que vous devenez une nuisance pour elle, vous chassez les clients d'autres religions. People will say everything. I know it. I've been preaching the streets. I know what it means. Les gens diront toutes choses. Je sais de quoi il s'agit. J'ai prêché dans les rues. Je sais ce que ça signifie. All things will be said at you. Toutes choses vont être dites. But the Holy Spirit will sustain you. Mais le Saint-Esprit va vous soutenir. And he will use that to purify you. Et il va utiliser cela pour vous purifier. And refine you like silver. Et vous raffiner comme de l'argent. And then test you like gold. Et ensuite vous tester comme de l'or. Sin will leave you. Le péché va vous quitter. You will never ever deliberately choose sin against the Lord. Vous ne choisirez jamais encore le péché contre le Seigneur. Even the love of money, you will never choose it against Christ. Même l'amour de l'argent, vous ne choisirez plus jamais cela contre Christ. That is what he meant when he said my people. C'est ce qu'il pense quand il dit mon peuple. It is a church that is evangelizing. C'est une église qui évangélise. They are not sitting and saying, "You touch my husband. The devil touch my husband again." Vous ne serez plus assis en disant, il touche mon mari, il touche encore, le diable touche encore mon mari. He touch my finances again. Il touche encore mes finances. That is not the church he calls my people. Ça c'est pas l'église qu'il appelle mon peuple. Because the Bible must be fulfilled. Parce que la Bible doit être accomplie. James chapter 4 verse 7, you see the mature church. Jacques, chapitre 4, verset 7, vous voyez l'église mature. Resist the devil and he will flee. Résistez au diable et il fuira. You are telling us to walk in holiness. Vous nous dites de marcher dans la sainteté. But all of us pastors have fallen. It's not just me. tous, nous sommes en train de tomber. Ce n'est pas juste moi. What do we do now? Qu'est-ce que nous faisons maintenant? The Bible said in the last days there will be evil. La Bible dit que dans les derniers jours, il va y avoir du mal. That is not my people. Ça n'est pas mon peuple. You cannot fall because everybody has fallen. Vous ne pouvez pas suivre, vous ne pouvez pas tomber parce que tout le monde tombe. Because actually, if you look very carefully, parce que maintenant, si vous regardez attentivement, this my people here, celui-ci, mon peuple ici, is a separated church. Est une église séparée. Spiritually separated. Séparée spirituellement. That church knows how to stage a fight. Cette église sait comment gagner un combat. When she's attacked. Quand elle est attaquée. And those attacks, et ces attaques, she knows are good for her. Elle sait, sont bonnes pour elle. That she may grow, right? Parce qu'elle peut croître. And not to cry. Et ne pas crier, pleurer. So how can you as a pastor, comment pouvez-vous, comme pasteur, start crying that the enemy has attacked your finances? Commencez à pleurer que l'ennemi a attaqué vos finances. Attacked your marriage. Attaquez votre mariage. Attacked your work. Attaquez votre travail. Attacked your health. Attaquez votre santé. Attacked your fellowship with other pastors. Attaquez votre communion avec d'autres pasteurs. Everything is falling apart in your life. Toutes choses tombent en pièces dans votre vie. Attacked your church. Attaquez votre église. Attacked your sheep. Attaquez vos brebis. Attacked everything. Attaquez toutes choses. How can then such a pastor bring deliverance to the sheep? Comment pouvez-vous ensuite, comme pasteur, apporter la délivrance aux brebis? If you are not yet delivered. Si vous-même n'avez pas été délivré. Is our God a liar? Est-ce que notre Dieu est un menteur? You have to be delivered first. Vous avez à être d'abord délivré. To bring deliverance to others. Pour apporter la délivrance aux autres. The word does not lie. La parole ne ment pas. That is what he calls my people. C'est ce qu'il appelle mon peuple. I'm talking about the door of the rapture. Je parle à propos de la porte de l'enlèvement. These are the ones that enter through that door. Ce sont ceux qui entrent à travers cette porte. Oh, you know, these days we are in ministry of repentance. Vous savez, ces jours, nous sommes dans le ministère de la repentance. We are preaching, a lot of people are coming to the Lord, but are you entering? Nous prêchons à beaucoup de gens de venir au Seigneur, mais est-ce que vous entrez? Are you yourself entering? Est-ce que vous êtes vous-même en train d'entrer? That is the question. C'est la question. Are you going to enter? Allez-vous entrer? Because you have to live to everything you preach. Vous avez à vivre tout ce que vous prêchez. John 14, verse 1. Jean 14, verset 1. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. In my Father's house are many rooms. You see that? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous voyez ça? If it were not so, I would have told you. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. I am going there to prepare a place for you. Je vais vous préparer une place. And if I go to prepare a place for you, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, I will come back. Did you hear that? Je reviendrai. Vous entendez ça? I'll be back, he says. Je veux être de retour. I'll come back. Je vais revenir. And take you to be with me, that you also may be where I am. Et je vous prendrai pour être avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. You know the way to the place where I am going. Vous savez le chemin de la place où je suis en train d'aller. In other versions, they say there are many mansions. Dans d'autres versions, ils disent il y a beaucoup d'immeubles. Do you hear me? Vous m'entendez? In my Father's house, there are many mansions. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup d'immeubles. But I like this version here, NIV, that it says there are many rooms. J'aime cette version où il est dit il y a beaucoup de chambres. Because Isaiah saw. Parce que Esaïe a vu. The morning dew had come. La rosée du matin venir. And the morning dew gave them joy unspeakable. Et la rosée du matin leur a donné une joie indicible. The morning dew released them from the bondage of sin. La rosée du matin les a délivrés de l'esclavage du péché. No more sin will touch the rapture church. Aucun péché ne touchera l'église qui doit être enlevée. The morning dew made the church in the image and likeness of God. La rosée du matin rend l'église à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hallelujah. Alléluia. Genesis chapter 1 verse 21 to 26 down there. Genèse chapitre 1 verset 21 à 26 là. They now wear the glorious body. Maintenant, ils revêtent le corps glorieux. They have defeated death. Ils ont défié la mort. They wear the immortal body. Ils ont revêtu le corps immortel. The imperishable body. Le corps impérissable. The incorruptible body. Le corps incorruptible. They're now wearing the eternal body. Ils ont maintenant revêtu le corps éternel. They will never be touched by death anymore. Ils ne veulent plus être touchés par la mort. No more sin will touch them. Plus de péché ne les touchera. No wages of sin will claim them. Plus de salaire du péché va les réclamer. Isaiah saw. Esaïe a vu. Be joyful. Sois plein de joie. Joy unspeakable. Une joie indicible. Never again will you die. Plus jamais vous allez mourir. Because the morning dew has arrived. Parce que la rosée du matin est arrivée. But enter the room now. He saw them entering. Mais entre dans la chambre maintenant. Il les a vus entrer. And he said, please shut the door behind you. Et il a dit, ferme la porte derrière vous, toi. For a little while. Pour un petit moment. For a little while. Pour un petit moment. Until his wrath has passed. Jusqu'à que sa colère soit passée. 7 years. 7 ans. You see that? Vous voyez ça? During the tribulation, a little while. Pendant la tribulation, un petit temps. Until the wrath has passed. Jusqu'à que la colère soit passée. Because after 7 years. Parce que après 7 ans. Jesus will come back with the raptured church. I'm jumping ahead of myself. Jésus va revenir avec l'église enlevée. Je saute au-dessus de moi-même. Will come back with the raptured church. Elle va revenir avec l'église enlevée. During the second coming of Christ. Pendant la seconde venue de Christ. In Jerusalem. À Jérusalem. You see that? Vous voyez ça? That's why you have to enter the rapture. C'est pourquoi vous avez à entrer dans l'enlèvement. You must enter. Vous devez entrer. It is a serious call to the people who are carrying the message of repentance. C'est un appel sérieux des gens qui portent le message de repentance. That you may identify this. Que vous puissiez identifier ceci. Listen to this. Écoutez-moi. He says, I go to prepare rooms for you. Il dit, je vais pour vous préparer une place. And in those rooms, et dans ces chambres, I'll prepare for each one mansions in other versions. Je vais préparer pour chacun des immeubles dans d'autres versions. And then, et ensuite, I'll come back. Je vais revenir. To take you so you too may be where I am. Pour vous prendre. Comme ça, vous pourrez être où? Ah, où je suis. That is the rapture. Ça, c'est l'enlèvement. You'll come back in the rapture and take the church. Il veut revenir dans l'enlèvement pour prendre l'église. Do you understand? Vous comprenez? There is so much to teach in the word. Il y a tellement à enseigner dans la parole. You wonder why would the church be teaching corruption? Vous vous étonnez pourquoi l'église serait-elle en train d'enseigner la corruption? Of sow a seed here, get your miracle here. De planter une graine ici et vous allez voir un miracle ici. Why? Pourquoi? Why would the church be wasting time? Pourquoi est-ce que l'église perdrait-elle du temps? In teaching healthy living. À enseigner une vie saine. How to exercise every morning. Comment s'exercer chaque matin. Good for your heart. Good for what? C'est bon pour votre cœur. C'est bon pour quoi? The Bible says those are infancy. La Bible dit sont des choses, sont de l'enfance. They should not even be heard of. On ne devrait même pas les entendre. You're supposed to have grown from there. Vous êtes supposé grandir de cela. He can keep your health. Il peut garder votre santé. Let me tell you, when you plug in, when you plug into the Lord, you keep your health. Laissez-moi vous dire, quand vous vous branchez au Seigneur, il va garder votre santé. By the way, he keep your health. En tout cas, il garde votre santé. I mean, the thing is, Je pense la chose est... You've seen the tremendous healing going on in this ministry right now. Vous avez vu des énormes guérisons qui se font maintenant par ce ministère, juste maintenant. Then, you know, you cannot claim that God does not heal. Là, vous ne pouvez pas dire que le Seigneur ne guérit pas. God has done his part. He does his part all the time. He's faithful. Dieu a fait sa part. Il fait sa part toujours. Il est fidèle. So don't start running to some psychologists. Alors, ne commencez pas à courir vers des psychologues. In the modern churches, pastors are stepping out of pastoring. Dans l'église moderne, les pasteurs se forment dans leur formation de pasteur. To go first to Bible college to be trained counseling and psychological, hein? D'aller en premier au collège biblique pour être entraîné dans la cure d'âme et la psychologie. How to counsel people? Comment conseiller les gens? Stepping out of the word. S'en allant hors de la parole. Into the wisdom of the world, psychologist. Dans la sagesse du monde, la psychologie. So they may now do, I feel the Lord is calling me to a counseling ministry. Comme ça, ils peuvent faire, ils sentent que, je sens que Dieu m'appelle dans un ministère de conseil. So I need to go study a degree in psychology. Alors, j'ai besoin d'étudier pour un degré de psychologie. Stepping out of the word of God. Sortons hors de la parole de Dieu. Into the wisdom of the world. Dans la sagesse du monde. So you may bring it and it will become a yeast in this world. Alors vous pouvez l'apporter et ça devient de la levure dans cette parole. Isn't there a problem in the church? Est-ce qu'il y a là un problème dans l'église? And yet the word is so clear. Et maintenant, la parole est si claire. I saw them enter and they were being told, shut the door behind you. Je les ai vus entrer et il leur a été dit, fermez la porte derrière vous. For a little while. Pour un moment. You see that? Vous voyez ça? Inside there is hidden the door to the rapture. Là-dedans est cachée la porte de l'enlèvement. And that's why he was able to say, et c'est pourquoi il était capable de dire, like it was during the time of Noah, comme c'était du temps de Noé, so will it be at the coming of the Son of Man. Alors ce sera pareil quand le Fils de l'homme viendra. But before we go there, let's go just to Daniel chapter 12, precious people. Mais avant qu'on aille là, allons à Daniel chapitre 12. The door to the rapture. La porte de l'enlèvement. Daniel chapter 12. Daniel chapitre 12. Hallelujah. Alléluia. Verse 1. Verset 1. Hallelujah. Alléluia. He says. Il dit. At that time, Michael, the great prince who protects your people will arise. You see that? En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand prince, le défenseur des enfants de ton peuple. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Because you know Daniel was writing from the east. Parce que vous savez, Daniel était en train d'écrire depuis l'est. Daniel is a prophet of the Lord that was called in the east. Daniel était un prophète du Seigneur qui a été appelé à l'est. So he wrote his manuscripts and they were in the east. Alors il a écrit ses manuscrits et ils étaient à l'est. But he was an end time prophet, so he was seeing what was happening in the end time. Mais il était un prophète de la fin des temps. Alors il voyait ce qu'il allait se passer à la fin des temps. And he had seen. Et il a vu. That there would be distress. That's why he said, such as has not happened from the beginning of nations until then. Qu'il va y avoir des détresses. Et comme ça, il peut dire une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. When that moment will come. Quand ce moment va venir. Look at the blood flow Kenya went through. Regardez ce flot de sang à travers le Kenya a passé. As has never been seen, never since the beginning of nations until then. Qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent. That's the beginning of bad pain. Ça, c'est des douleurs de l'enfantement. And then he says, et ensuite, il dit, but at that time, mais en ce temps-là, your people, do you hear that? Ton peuple, vous entendez ça? We say, my people. Mon peuple. Your people, did you see that your people, they're my people. Ton peuple, vous voyez, c'est ton peuple, mon peuple. God's word is the same. The Holy Spirit is the same. La parole de Dieu est la même. Le Saint-Esprit est le même. He cannot show me a vision that's not lining with the Bible. Il ne peut pas me montrer une vision qui n'est pas alignée avec la parole de Dieu, avec la Bible. He showed it to me in November 26, 2006. Il m'a montré le 26 novembre 2006. He showed it to Daniel the prophet. Il l'a montré à Daniel le prophète. He showed it to Isaiah the prophet. Il l'a montré à Ésaïe le prophète. The same Holy Spirit, it is very consistent. Le même Saint-Esprit est très cohérent. It must tally. Ça doit correspondre. Otherwise, God has not spoken. Sinon, Dieu n'a pas parlé. You cannot teach other things. Vous ne pouvez pas enseigner autre chose. Only this you can teach. C'est seulement ça que vous pouvez enseigner. Because the purpose for which you were called as pastors, parce que le but pour lequel il nous a appelés à être pasteurs, is that you may lead the church into the kingdom of God, period. C'est pour que vous puissiez conduire l'église dans le royaume de Dieu, un point c'est tout. Anything else is an addition. Rien d'autre ne peut être additionné. That they may enter. Qu'ils puissent entrer. Otherwise, you're not called to lead them to hell. Vous n'êtes pas appelé à les conduire en enfer. But listen to this. Mais écoutez ça. He says, but you are people. I like that. But at that time, you are people. Ton peuple. Mais en ce temps, ton peuple. That's the my people you saw in Isaiah chapter 26. C'est mon peuple. Dans Ésaïe chapitre 26. It is the same my people he defines in Zechariah 13. C'est le même mon peuple qu'il définit en Zacharie 13. And he says. Et il dit. But at that time you are people, everyone whose name is found written in the book. Hallelujah. En ce temps-là, ceux de mon peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre. Hallelujah. The book of life. Le livre de vie. Those are the ones he has purified. Seront ceux qui ont été purifiés. And he says. Et il dit. Everyone whose name is found written in the book will be delivered. Hallelujah. Ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre seront délivrés. Hallelujah. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many into righteousness will shine like the stars forever and ever. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. This is rapture. C'est l'enlèvement. If it's so clear in the Bible, c'est si clair dans la Bible. Why hasn't the church taught it? Pourquoi est-ce que l'Église ne l'enseigne pas? Why would even someone contest such a message? Pourquoi est-ce que certains contesteraient un tel message? A timely message, somebody. Un message approprié. So the Lord is speaking here very clearly. Alors le Seigneur est en train de parler ici très clairement. He's talking about the mighty door to rapture. Il parle à propos de l'énorme porte de l'enlèvement. Daniel chapter 1. Daniel chapitre 1. You see very clearly. Vous voyez très clairement. That a lot of distress hits the earth. Que beaucoup de détresse frappe la terre. And suddenly everything has happened. Et soudainement toutes choses se sont passées. You know, I kept wondering, by the way. Je continue de m'étonner au fait. Why every time I get to the altar. Pourquoi chaque fois que je vais sur l'autel. I have seen myself already in the dream at night that I'm preaching. Je me suis déjà vu dans un rêve la nuit que je suis en train de prêcher. And when I get there, I begin to preach the way I saw myself in the dream. Et quand je vais là, je commence à prêcher de la manière dont je me suis vu dans le rêve. I began to understand. Je commence à comprendre. Every time the first thing I see. Chaque fois, la première chose que je vois. Is I am getting the altar and saying. Que je suis sur l'autel et que je suis en train de dire. On the 1st of November, le 1er novembre, the year 2006, de l'année 2006, the Lord, he opened heaven, le Seigneur a ouvert le ciel, and I saw two wedding rings, Lord, et j'ai vu descendre deux anneaux de noces. The first thing, whether it's in Canada, la première chose, que ce soit au Canada, whether it's in Germany, que ce soit en Allemagne, whether it's in Rwanda, Uganda, Tanzania, where it does not matter. Que ce soit au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, peu importe où. The first thing he says, la première chose qu'il dit. I began to understand. J'ai commencé à comprendre. That means like it was during the time of Noah. Ça signifie que comme c'était du temps de Noé, so will it be at the coming of the Son of Man. Ça va être pareil à la venue du Fils de l'homme. At the time of Noah, au temps de Noé, he sent Noah. Il a envoyé Noé. He says, tell them the door is open. Il dit, dis-leur, la porte est ouverte. Tell them to enter now. Dis-leur d'entrer maintenant. Don't delay out there. Ne tardez pas là-dehors. Because on that day, I just come to close. Parce que dans ce jour, je vais juste fermer. Alléluia. Alléluia. He sent me. Il m'a envoyé. In other words, to tell them, look, the door is open in the sky. En d'autres mots, pour leur dire, regardez, la porte est ouverte. You can enter now. Vous pouvez entrer maintenant. The wise virgins. Les vierges sages. They lit their lamps. Elles ont allumé leurs lampes. They entered and entered. Elles sont entrées et entrées. Alléluia. Alléluia.